Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage ! Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça, tu penses ? Mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Nouveau coup de théâtre. Jonathan Daval présente une version à peine croyable du meurtre de sa femme Alexia. Le drame se serait joué lors d'une réunion de famille. Une crise d'hystérie d'Alexia, et c'est son beau-frère Grégory Gay que l'on voit ici qui l'aurait étranglé. Dans l'affaire Daval, le principal accusé, Jonathan, affirme avoir tué sa femme Alexia parce qu'elle l'avait poussée à bout. « Je voulais qu'elle se taise », a-t-il déclaré dans un rapport d'expertise qui a fuité aujourd'hui dans la presse, 2 ans après le drame survenu à Grès-la-Ville, en Haute-Saône. Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Devant la justice lituanienne, Bertrand Cantat va tout faire pour se dédouaner. D'abord, c'est Marie Trintignant qui aurait déclenché les hostilités. Très, très agressif, très hystérique. C'est que ça se passe dans la folie, dans la furie. À crier tout le temps. Jusque-là, moi, je n'ai pas touché. Les fantômes de l'hystérie. Histoire d'une parole confisquée. Une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard. Épisode 3. Toutes des hystériques, la fabrique du silence. J'avais beau lire sur l'hystérie, j'avais beaucoup de mal à saisir exactement. Ça veut dire quelque chose dans une histoire du féminisme et de l'antiféminisme, en tout cas, ça oui. Le sexisme a toute une rangée de termes à utiliser pour dénigrer les femmes. Enfin, il y a un riche vocabulaire de la misogynie avec une aura scientifique qui ramenait à une explication biologique. C'est une manière de ramener les femmes à leur corps, à un corps qui dysfonctionne et qui fait dysfonctionner l'esprit. Voilà le petit lieu tranquille où j'habite. C'est un endroit sécurisé. J'ai quitté le domicile conjugal avec les menaces que j'ai eues. J'ai dû le quitter rapidement et me réfugier ici. Je vis ici depuis 6 ans. J'ai rencontré mon ex-conjoint dans le cadre du milieu professionnel. En fait, on travaillait tous les deux dans une entreprise du côté de Paris. Dans le secteur de l'industrie, on avait 2 postes complètement différents. Monsieur avec un poste responsabilité et moi j'arrivais comme assistante commerciale en charge de la coordination Europe. Et on était 2 célibataires, un mec féru de travail, très charismatique. C'était quelqu'un qui pouvait être assez glacial et très cassant. Et puis rapidement on a lié une relation et je me suis installée chez lui dans sa maison. Et après, tout allait très vite. Je voulais pas le présenter à mes parents. Je pense que j'étais pas prête. Puis je suis d'un milieu catholique, où on me présente pas non plus des tas de personnes. Et en fait, il a écrit une lettre à mes parents. Il a acheté une carte postale à Orléans où c'était un coq avec une poule. Et il a envoyé ça à mes parents. Et il a dit, le coq a trouvé sa poule. Et quand je suis arrivée à Noël, ils l'ont accueilli à bras ouverts, avec la photo encadrée dans la salle à manger. Il présentait bien, il parlait super bien, quelqu'un de très riche. Et c'était l'homme idéal, le gendre parfait. Et avec du recul, je me dis, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je pense que la violence, elle a commencé dès le départ, en fait. Dès les tout premiers instants. Les violences, elles sont d'abord psychologiques. C'est la petite phrase, le dénigrement, l'humiliation. Après viennent les coups. Je me rappelle plus des dernières années où effectivement à la fin c'était vraiment t'es qu'une pauvre merde, t'as qu'à crever. Et c'est quelqu'un qui vous lâche jamais, qui était très très exigeant. Donc la maison c'était jamais assez bien, c'était jamais assez beau, c'était jamais assez rangé, la cuisine c'était jamais assez bien. Il fallait faire entrée, d'où l'entrée, plat, résistance, fromage, dessert. Et rien n'était jamais à la hauteur. Quoi que je fasse, rien n'était à la hauteur. Donc, vous vous pliez en 4, vous pliez en 10, et à un moment, vous y laissez aussi votre santé, parce qu'il fallait entretenir la maison, fallait faire un jardin magnifique, fallait gérer les enfants. Il y a un moment, à force qu'on vous répète que vous êtes folle et que vous avez un problème, il est allé, je dirais, jusqu'au bout de sa destruction mentale, en fait. Et moi, je me suis pas rendu compte que je plongeais petit à petit et que je n'en pouvais plus, en fait, d'être isolée de ma famille. Il m'a isolée après le travail. Il m'a complètement contrôlée. Comment il avait fini par vous convaincre que vous étiez folle? Je dirais qu'à longueur de temps, quand on vous insulte, qu'on vous dénie, qu'on vous humilie, qu'on vous répète que vous n'êtes en rien, qu'on vous marche sur les pieds, qu'on vous bouscule dans le couloir, qu'on vous tabasse, qu'on vous prive de sommeil, de nourriture, il y a un moment où, effectivement, je pense que vous sombrez dans un déni de soi. On est un objet, on n'est plus rien. Et il est allé jusqu'au bout. Il jouait la marche funèbre au piano en boucle. Puis rentré le midi, il vous mettait la main sur la tempe en forme de revolver. Enfin voilà, c'était de la violence psychologique, les privations de sommeil, la nourriture. D'ailleurs, il ne cessait de m'expliquer à la fin, de toute façon, je foutrais tout en l'air, toi, la maison, les enfants avec, je te la ferai à la de Ligonesse. Et toutes ces menaces, à un moment, c'est quand vous vivez dans cette peur permanente, vous savez pas comment vous en sortir, en fait. Et j'ai pas pu demander de l'aide, parce qu'en fait, ma famille, je pense que je leur ai pas montré. Je suis dans une famille où ça se fait pas de divorcer, où les apparences comptent, où effectivement, quand vous n'avez pas de revenus, vous êtes maman au foyer et deux enfants à charge, il est compliqué de trouver la force de partir. J'ai essayé à plusieurs reprises et tout le monde ne comprenait pas. Je me disais, mais t'as tout pour être heureuse. Super maison, monsieur qui a une très belle situation, vous avez plein d'argent. Enfin, t'as tout, qu'est-ce que t'as? Ben, qu'est-ce que j'ai? Je suis dans une prison dorée et j'ai quelqu'un qui fait que j'existe plus, quoi. Et je pense que ça qui m'a sauvée, c'est mon corps un jour qui a dit stop. Qui a dit stop et j'ai demandé de l'aide et j'ai dit il faut que je sois hospitalisée, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Dans le récit des femmes que j'ai pu interroger, on voit des hommes qui poussent à bout les femmes, dans un contexte d'emprise, de contrôle coercitif. Pierre-Guillaume Prigent, sociologue. Les femmes que j'ai interrogées ont des parcours très différents. Il y en a qui ont eu aucune procédure, en fait, qui n'ont jamais porté plainte, qui n'ont même pas saisi la justice aux affaires familiales, ni rien. Et d'autres qui ont des procédures extrêmement longues, hein, qui se sont déroulées sur parfois plus de 10 ans. Mais quels que soient les parcours judiciaires qu'elles ont faits, elles avaient du mal à être écoutées, et encore moins crues, du coup, par des voisins, par des amis. Et donc, il y avait des phénomènes de silenciation. Ce qu'on peut constater dans l'ensemble des situations, c'est que on voit que l'agresseur tente, par exemple, d'isoler la victime. Ça peut commencer au moment de la rencontre. Il va pas forcément lui interdire de voir ses amis ou sa famille, mais lui dire, tu sais, Roger, que t'as invité la dernière fois, je l'apprécie pas tant que ça, je préférais qu'il ne revienne pas. Puis il y a eu Roger, puis il y aura Alice, il y aura Camille, il y en aura tant d'autres, et donc elle va se retrouver isolée. C'est tout cet ensemble de règles implicites ou explicites que l'agresseur met en place vis-à-vis de la victime. Par exemple, l'habillement. Elle doit s'habiller de telle ou telle manière. Si jamais il déteste le rouge, elle ne doit pas mettre de rouge. La longueur des robes peut être jugée et demandée. Elle n'a plus le droit de travailler parce que sinon elle irait fricoter avec ses collègues de travail, c'est-à-dire que l'agresseur lui interdit de travailler parce que il serait jaloux d'elle. La manière de faire la nourriture, la manière de ranger les placards, la manière de plier les serviettes. Et donc on est dans du domestique, du banal, de la norme. Justement, un entretien que j'avais fait avec une des femmes, elle me disait qu'elle sentait de la pression au quotidien et que lorsque la pression était trop forte et qu'elle refusait de se soumettre à cette pression, eh bien elle ressentait qu'elle était punie. Donc c'est un peu cette même logique, contrôle, coercition, pression, punition. Sur quoi reposent majoritairement les discours, les stratégies de ces hommes violents ? Il y a le fait que l'agresseur, à force de manipulation, à force de pression, de menaces, d'humiliation, il peut créer chez la victime des troubles. comme le stress post-traumatique par exemple. Et donc ça veut dire que c'est ses actions à lui, ses actes, qui vont avoir pour conséquence de créer chez elle un trouble. Et une fois qu'il aura créé chez elle ça, il n'aura qu'à dire « mais ça vient pas de moi, elle a toujours été comme ça ». Et donc finalement il crée la condition dans laquelle il va pouvoir la disqualifier entièrement. Donc en fait, dans ces techniques de gaslighting, c'est tout ce qui consiste à rendre folle ou alors à faire passer pour folle la victime. À partir du moment où on dit que quelqu'un est fou ou folle, ben juste on l'écoute plus, parce que ça n'a plus de sens. C'est un peu l'aboutissement des tactiques de l'agresseur. Et ça, je l'ai vu dans tous mes entretiens, faire croire à la victime des choses qui ne sont pas réelles. Mettre en place des stratagèmes avec de la lumière, du son. Ça peut être aussi de déplacer des objets et puis lui faire vérifier que l'objet est toujours à sa place. Il ne l'est plus. Elle se dit « mais où est passé l'objet ?» Et le répéter de manière permanente, ça peut créer chez elle l'impression que sa réalité est distordue. Alors ça peut vous faire ne plus avoir confiance dans le sentiment que vous avez de la réalité. Vous sentez que la réalité, elle vous échappe aussi par ce biais-là. Vous a emmené à l'hôpital psychiatrique? Incroyable. J'ai terminé chez ma maman en pleurs et je lui dis je n'en peux plus. Et là ma mère m'a dit bah non en fait je peux pas te garder à la maison parce que j'ai pas la place. Bah je vais appeler Thierry et puis on va t'emmener à l'hôpital. Et donc elle a appelé mon bourreau et ils m'ont tous les deux déposé aux urgences de l'hôpital psychiatrique, le CHU. Lui, je dirais qu'au fond de lui, il jubilait parce qu'il avait obtenu enfin ce qu'il voulait. J'étais au bout, j'allais être hospitalisée et à force de me traiter de folle, eh ben, il avait réussi à me faire croire qu'effectivement, j'avais un gros problème. Je me suis effondrée, en fait. Effondrée. La tête, elle a lâché. Et le corps a lâché aussi. J'avais 4 épaisseurs, je tremblais de partout, j'étais gelée, j'étais collée à un radiateur. Je me suis retrouvée dans une aile... avec tous les gens mélangés, hommes et femmes. Déjà, vous avez un psychiatre qui vous voit une fois tous les, je sais pas, tous les 3 jours et qui comprend pas. Qui comprend pas. Mon ex-mari est venu à plusieurs reprises me porter des habits. Je le voyais, j'avais des haut-le-cœurs, je vomissais et je m'évanouissais. Et il a réussi à faire un entretien de famille. Il a convoqué, en fait, les psys, il a demandé un entretien, il a demandé à ce qu'on soit tous présents. C'était un pugilat. Je leur avais dit, je veux pas, je suis pas capable. Et il va me démolir. Et ils ont rien vu. Ils l'ont laissé parler. Ils l'ont laissé me démolir. Je suis tombée dans les pommes. Et lui a complètement inversé la chose en expliquant que c'était moi qui le tapais, que j'étais aujourd'hui, je ne me contrôlais pas, que j'étais hystérique, que j'étais violente, qu'il fallait que je me remette en cause et qu'il fallait que je me fasse soigner parce que j'étais vraiment pas bien et qu'aujourd'hui mes enfants voulaient plus de moi. Les gens sont pas formés aujourd'hui. Les psychiatres sont vraiment pas formés. Et moi, ils ont pas détecté les violences, parce que je pouvais pas le dire. En fait, je pense que j'en étais pas capable. La chance que j'ai eue, c'est que je suis sortie un petit peu plus tôt que prévu. Je pense que j'ai eu un regard de survie, en fait. Je devais sortir le vendredi de l'hôpital, je lui avais pas dit. Et le mercredi, j'ai demandé... J'ai demandé à sortir, j'ai demandé à une amie de m'accompagner chez une avocate, et quand elle m'a vue et que je lui ai dit, elle m'a dit « Vous me faites confiance, on arrête là tout de suite. Je fais une requête en divorce immédiatement. Vous sortez de l'hôpital, le but c'est que vous y retournez plus. » Malheureusement, le temps de faire la requête en divorce, tant que c'est pas passé en ordonnance de non-conciliation, vous êtes obligé de rester au domicile conjugal. Donc là, ça a été... là, il m'a vraiment fait vivre un enfer. Là, ça a été, il faut qu'elle se foute en l'air, clairement. C'était, j'ai pas gagné, elle est pas en hôpital psy, qu'est-ce que je vais en faire? Là, c'était nuit et jour, le harcèlement, les menaces de mort. En tout dernier, il se levait le matin, il faisait ses excréments dans les toilettes. Et il me prenait par la nuque en me tirant les cheveux, j'avais les cheveux longs. Et il me mettait la tête dans les toilettes, dans la cuvette des chiottes. Il me disait « Là, maintenant, tu vas nettoyer ma merde. » On est arrivé donc en ordonnance de non-conciliation avec le juge. Donc, monsieur avait le temps de préparer largement son dossier. Hein, donc, le nombre de pièces, je vous imaginais pas. Moi, j'arrivais avec pas grand-chose à part quelques attestations comme quoi j'étais une bonne maman, mère au foyer et que qu'effectivement, je m'occupais bien de mes enfants. Il appuyait bien sûr sur le fait que j'avais été hospitalisée et que je n'étais pas en capacité de prendre mes enfants, puisqu'à l'ordonnance de conciliation, il décidait le domicile conjugal et la modalité de garde des enfants. Donc le but était de me retirer les enfants. Et la partie civile, en fait, quand vous arrivez comme ça dans un contexte où ils sentent que voilà, c'est pas clair et où ce qu'ils appellent les juges les conjugopathies violentes ou les couples dysfonctionnels... pour ne pas dire les violences, et ben en fait, il s'appuie sur un expert. C'est là qu'est toute la complexité, puisque vous rencontrez quelqu'un pendant quoi une heure, et qu'il est censé émettre un jugement qui demain passera au tribunal et fera en sorte peut-être que le juge aux affaires familiales tranchera. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, puisque quand je suis arrivée, effectivement, elle me dit « j'ai rencontré votre ex-mari avant, avec ses enfants, et moi, j'ai été vue qu'une seule fois ». Donc, moi, en fait, ils ont émis un jugement sur une heure d'entretien, quoi. Et lui, en tout, il avait plus de 6 heures. Je vais vous lire l'extrait qui concerne la partie, qui est la mienne, en fait. Éléments cliniques psychopathologiques. Madame X pénètre dans notre cabinet avec une posture d'effondrement qui paraît quelque peu surjouée. Il lui sera d'ailleurs difficile d'établir un contact avec nous. Elle gardera son manteau et s'agrippera à son sac à main posé sur ses genoux durant tout notre entretien, n'aura ne cesse de sangloter et ne pourra pas soutenir le regard. Que cette posture soit surjouée et apparaisse au fond assez peu authentique n'enlève rien au fait que Madame X est véritablement en souffrance. En effet, se fondre totalement dans une identité de victime, se manifester à l'autre uniquement par le biais d'une position théâtralisée d'individus maltraités et amoindris, doit être considéré en soi comme une impossibilité, au moins temporaire, d'exister pour soi, comme pour les autres, autrement que sur le mode de la souffrance. Au moment de notre entretien, Madame X ne présente pas d'anomalie psychique de nature structurale, pas de symptômes de nature psychotique de type hallucination, dissociation, bizarrerie, trouble du cours de la pensée ou trouble du langage. En revanche, au plan de la personnalité, nous relevons chez Madame X des traits hystériques qui, indépendamment d'une expressivité théâtrale, se laissent appréhender par des plaintes abandonniques. Une forte demande de reconnaissance narcissique et phallique, une déception fondamentale vis-à-vis des figures masculines et un positionnement très critique, voire agressif vis-à-vis des figures féminines. Enfin bon, puis ça dure, voilà, je vous laisse. Voilà, c'est l'hystérie, au fin fond. Voilà. Déjà, je me pose la question, est-ce que le rôle d'un expert, c'est de juger ou d'évaluer la situation? Et là, on est face à un jugement catégorique. Il présuppose qu'elle est inauthentique et donc est même pas capable d'accéder au contenu de son histoire parce que de toute façon, elle est inauthentique. Et une minimisation de sa souffrance qui viendrait d'elle et pas de ce qui lui est arrivé. Et donc, on retrouve finalement la stratégie de l'agresseur aussi. C'est-à-dire que ça vient d'elle et c'est elle qui est responsable de sa situation. Donc, on voit en fait aussi, et c'est ce que j'ai vu dans... ce que j'appelle parfois la complicité institutionnelle, alors c'est un mot qui peut paraître fort, mais je pense que finalement il est peut-être parfois faible, c'est comment est-ce que les institutions, en fait, imitent l'agresseur. Et justement, la question de la culpabilisation et de la surresponsabilisation des victimes, voire de son accablement, là on voit que c'est de l'accablement. Dans les expertises, on voit aussi qu'il y a des extraits de ce que madame a dit qui sont retenus contre elle. Et en fait, on sait assez peu de choses du contexte. Et quand on fait des entretiens du « Racontez-moi votre histoire », qu'on a l'expertise à la suite, voire même parfois les procédures intégrales. Devant moi, elle me parle pendant 3, 4, 5 heures de violence conjugale, et dans les expertises ou les procédures, un vide. Et ça pose la question du cadre des expertises, de la question des critères de recrutement des experts, des protocoles, des règles qui les encadrent, avec cette question subsidiaire qui est, mais finalement, si le juge n'a pas l'expertise, qu'est-ce qu'il a pour évaluer la situation ? Il n'a pas forcément le temps d'enquêter comme l'expert, il n'a pas forcément le temps d'examiner l'ensemble des pièces, et donc on peut supposer que la justice, en fait, elle se défausse parfois aussi sur l'expertise. Donc ça, c'est problématique à partir du moment où, justement, l'expertise va mobiliser un cadre qui est celui de, je dirais, la psychanalyse sexiste, pour ne pas dire que toute la psychanalyse est nécessairement sexiste, même si elle a une longue histoire derrière elle. Bonjour Pauline, c'est Emma au téléphone. Je voulais vous donner de mes nouvelles. Après 6 ans de procédure au civil, je crois que les violences institutionnelles sont plus que jamais d'actualité, puisque j'ai eu mon divorce, incroyable, au tort partagé, avec un minimum de prestations compensatoires, des dommages et intérêts dérisoires, 500 € pour clore le tout, monsieur, la veille, le jour de Noël, a porté plainte pour séquestration d'enfants alors que mon fils était en vacances chez moi et qu'il a 19 ans. Dans le jugement, il n'est même pas fait état de ma fille que je n'ai jamais revue depuis le 11 juin 2017. C'est effarant, c'est désolant. Aujourd'hui, je trouve que la violence, elle est double, elle est triple, elle est quadruple puisque personne ne reconnaît ce que j'ai subi. Et même la société aujourd'hui qui m'embauchait a mis fin à mon CDD de 18 mois. Ma hiérarchie s'argant. Même des risques psychosociaux inhérents, entre guillemets, à ma situation personnelle lourde pour justifier sa décision. Cet homme m'aura tout pris. Mais je vais continuer de me battre pour militer contre les violences conjugales et témoigner et soutenir d'autres femmes. Peut-être qu'à une époque, on disait des femmes, par exemple, qu'elles étaient hystériques, mais on renvoyait ça à leur corps et à leur nature. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire que les femmes sont folles par nature. Par contre, on peut dire qu'elles sont folles autrement, en disant qu'elles ont un trouble mental. Certaines d'entre elles nous disaient qu'elles avaient l'impression d'avoir une étiquette, et que quoi qu'elles fassent, elle était toujours là. Comme chaque dimanche, maintenant place au magazine de la rédaction. Gros plan ce soir sur l'un des plus grands établissements psychiatriques de la région, celui de Brumath. L'une de nos équipes a passé 3 jours dans un pavillon d'admission fermé, le pavillon Schweitzer. France 3, 11 avril 2010. Il vous a tapé ? Ouais. D'accord. Et viol ? Ah, 200, 300. Tiane vient d'être admise en crise à la demande de son compagnon. Incohérente, hystérique, d'aucuns diront folle. On va dans mon bureau ? Ça n'a rien compris. On va essayer de comprendre. Allez, venez. On va essayer de comprendre ça à côté. Moi, je connais pas lire, je connais pas non plus. Vous fâchez pas, vous fâchez pas. Après, on fout. Vous fâchez pas. J'ai eu un appel du docteur qui est passé à la maison et qui disait que la maison, elle était sans dessus-dessous. Ah, lui, il tapait tout le temps. Lui, il tape et lui, il fait. Lui, il tape et lui, il fait. Madame. Vous fâchez pas. Pour l'instant, de toute façon, ici, vous êtes protégée. Tiane souffre d'un syndrome de persécution délirant. Elle acceptera finalement son hospitalisation. Obtenir l'assentiment du patient, un préambule indispensable à la thérapie. Le contenu de ce que la dame dit ne compte plus. Il n'y a que la forme. On retient qu'elle est hystérique, finalement. Et donc, pourtant, on l'entend, la dame, elle parle de violence physique, elle parle de violence sexuelle, il a pris son téléphone, il l'a isolé, bref, c'est la violence conjugale classique. En fait, je pense que parfois on dit les femmes poussent à bout les agresseurs. Non, les agresseurs poussent à bout les femmes. Et si jamais on vous pousse à bout, et que quand vous parlez, vous n'êtes pas cru, vous vous mettez en colère. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes décrédibilisé alors que vous n'avez que essayé de parler de ce qui vous est arrivé. Lorsque la femme résiste au contrôle de son conjoint, le conjoint pense qu'il a le droit de la recadrer, redresser cette femme hystérique. Il faut la remettre dans l'ordre normal. Et c'est quoi l'ordre normal ? C'est l'ordre de la raison. Et tous les qualificatifs psychiatriques peuvent justement jouer ce rôle-là de si jamais madame arrête pas de dénoncer, si jamais madame arrête pas de se défendre, si jamais madame arrête pas de se mettre en colère, eh bien, il faudra qu'elle soit psychiatrisée pour ça. Et que donc la société, finalement, la recadre. Que ce soit pas juste moi l'agresseur, mais que c'est carrément l'institution psychiatrique, pourquoi pas, qui le remette sur le droit chemin. L'analyse des registres de placement met en évidence le rôle prépondérant des hommes dans les placements féminins. Dans 80% des cas, ils sont à l'origine de ces internements. Les maris représentent 35% des demandeurs masculins de la Salpêtrière de 1839 à 1844. Les pères forment 15% des demandeurs. Les 50% de demandes restantes sont le fait des collatéraux, directs et indirects, des membres de la belle-famille, des amis et des patrons. On assiste à la mise en mouvement de toute une société mâle. La famille sonne le rappel de ses troupes les plus éloignées pour faire interner la malade. Les placeurs et les médecins qui les appuient invoquent différents types de troubles. En tête, les troubles de la personnalité. L'indifférence, la jalousie, la peur, la colère, la vanité, la susceptibilité et l'ambition. Yannick Ripa, La Ronde des Folles, 1986. Par exemple, il y a un concept inventé par un médecin qui s'appelle Ulysse Trella, qui s'appelle la folie lucide, qui est sans doute l'un des concepts les pires en tant qu'instrument possible, je dis bien possible, d'une répression sociale et voire policière. Yannick Ripa, historienne. Puisque la personne paraît tout à fait normale et que c'est seul le médecin qui réussit à voir que derrière cette folie lucide où elle parle, j'ai envie de dire, comme vous et moi, eh bien, se cache une malade habile qui sait parler comme tout le monde, mais qui en réalité est atteinte de grands troubles. On voit aussi des épouses qui refusent les relations sexuelles, qui sont internées, on dit placées à l'époque. Très souvent, il y a aussi des motifs de désintérêt affectif. Mais c'est aussi un manque d'intérêt pour son enfant, voire un manque d'intérêt pour le ménage. Et à cette époque-là, le divorce n'existe plus. Il est supprimé en 1816. Quand il est remis en 84 et qu'on l'étudie au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce qui a été mon cas, on trouve les mêmes motifs de divorce. C'est-à-dire que le mari avance, désintérêt pour moi, manque d'affection pour les enfants, le ménage n'est pas fait et la soupe est froide. La loi de 1838 décide que chaque département aura un hôpital spécial, que nous appelons asile de façon populaire, qui s'occupera uniquement des malades mentaux et mentales. Il y a initialement dans l'aliénisme un mélange entre le physique et le moral qui est pour nous très surprenant. Les aliénis sont autant des philosophes, des moralistes que des médecins. Ils vont d'ailleurs assez peu sur le terrain. Et ils vont écrire énormément de livres où ils parleront des conditions morales, physiques, voire littéraires. Évidemment, on nous demande bien ce que la littérature vient faire là-dedans, pour expliquer les pathologies, et particulièrement les pathologies féminines. Alors voilà. Un dossier extrait donc des archives départementales du Maine-et-Loire et qui est lié à, au dossier de jeunes filles placées en liberté surveillée. Amélie Rabine, historienne. En fait, cette fameuse jeune fille a été placée par voie de correction paternelle. Donc là, on est en 1958. Là, vous avez état civil, donc on décline le père, la mère, les enfants, frères et sœurs, etc. Et histoire de la mineure. On dit qu'elle s'acquitte tant bien que mal des travaux de ménage et cuisine et sert jusqu'à des heures tardives au café, rendez-vous habituel de militaires nord-africains et de prostituées de bas étage. Très vite affranchie dans cette ambiance pernicieuse, elle commence à se livrer à l'inconduite et refuse toute obéissance à son père. Voilà. Donc là, vous avez des termes, des paroles assez récurrentes dans les dossiers. Vous avez principalement des placements pour fugue, vagabondage, danger moral et inconduite. On a aussi ce qu'on nomme l'outrage public. Donc ça renferme pas mal de choses. Et c'est en gros la lutte contre les obscénités, l'immoralité. C'est toujours autour de ces idées-là, en fait, quand vous avez vicieuse, débauchée, affaire de mœurs, etc. Rapport sexuel, ce sont des termes différents pour dire toujours un peu la même chose. Le sexe était le grand soupçon de la société qui en voyait les signes partout. Dans les décolletés, les jupes étroites, le vernis à ongles rouges, les sous-vêtements noirs, le bikini, la mixité, l'obscurité de salles de cinéma, les toilettes publiques, les muscles de Tarzan, les femmes qui fument et croisent les jambes, le geste de se toucher les cheveux en classe, etc. Il était le premier critère d'évaluation des filles, les départager en « comme il faut » et « mauvais genre ». Il fallait vivre, avec l'envie de cette jouissance qu'on croyait réservée aux adultes et qui réclamait d'être satisfait coûte que coûte, en dépit de toutes les tentatives de diversion, les prières, en portant un secret qui rangeait parmi les pervers, les hystériques et les putains. Annie Ernaux, Les années, 2008. Disons, le créneau est très serré pour les jeunes filles. C'est les jeunes filles sont vouées à être à l'intérieur du foyer, alors que les garçons, eux, peuvent prendre place dans la rue, dans l'espace public. Et dès qu'elles sortent, en fait, dès qu'elles mettent un pied dehors, c'est vu comme un danger, c'est suspicieux. Et donc, à partir de ce moment-là, on va aller lire toujours ce désir, en fait, de l'extérieur comme une volonté de débauche et une prostitution potentielle, en fait. À partir du moment où la jeune fille n'est pas docile, ne se conforme pas à ce qu'on a prévu pour elle, dès que la colère est là, dès que les revendications sont là, on va mettre ça, non pas... Enfin, du côté de la rébellion et des revendications, mais du côté de l'hystérie, de la folie, d'un désordre, en fait, qui ne devrait pas être propre au statut de femme. Officiellement, on institutionnalise, disons, cette prise en charge des filles dites déviantes au XIXe siècle, avec des congrégations qui vont avoir le rôle de prise en charge de ces jeunes filles pendant un siècle et demi, et notamment une congrégation qui se nomme la Congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, qui a été fondée à Angers. Les religieuses sont finalement les plus à même, puisqu'elles sont garantes de cette morale. Là où la morale s'en mêle, c'est dans la définition de normes. Par exemple, tout ce qui a trait à la sexualité qui ne serait pas hétéronormative, eh bien là, le lesbianisme, qu'on appelle à l'époque tribadisme, est considéré comme une maladie mentale, mais avec quand même une pointe de vice. Et par conséquent, tout rejet du modèle en vigueur selon le sexe, on dirait aujourd'hui à juste titre selon le genre, est considéré déjà comme un symptôme d'une anormalité qui, en fait, peut être totalement sociétale. Ce qui fait qu'on retrouve dans ces hôpitaux des gens qu'on a internés parce qu'ils troublaient la société ou bien ils troublaient la famille, et on tombe sur des choses tout à fait étonnantes. Une cuisinière qui a comme passion la poésie. Si cette femme était née dans un milieu bourgeois, elle tiendrait salon. Malheureusement, elle est née dans un milieu pauvre, elle est insupportable à son patron, qui l'a donc fait interner. Pour autant, il ne la fait pas libérer. Et cette femme va finir ses jours dans cette prison. On me confisqua mes affaires personnelles. Je revêtis l'uniforme. Le pire qu'il m'advint fut la visite gynécologique. Je ne savais pas ce que c'était. Les religieuses constataient ainsi si nous étions vierges ou non. Pour moi, ce fut un viol, et pire, perpétré par des religieuses. Archives du Bon Pasteur d'Angers, 1961. Je fus mise 3 mois en centre d'observation. Je ne fis que pleurer. Je voulais mes frères, ma sœur, je pleurais même ma mère. Je refusais de manger, de dormir. Au bout de 3 mois... on m'a mise dans la section des caractériels, celle réputée pour être la plus dure. Je me révoltais. Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait mise dans cette maison. Dès l'entrée, en fait, le corps est à dompter. Le corps féminin est envisagé comme vecteur de concupiscence. Et donc, il faut le lisser. Et donc, le lisser, ça passe par... les miroirs n'existent pas dans ces lieux-là. Et donc, il y a tout un cérémonial autour du passage de la robe à la chemise de nuit, avec l'idée de ne pas dévoiler, en fait, un morceau de corps. Ça participe de ce musellement du corps, en fait. Pour me calmer, les religieuses eurent recours à la pharmacopée. Elles me firent sans ménagement des piqûres dans la cuisse gauche. Je ne sais de quel médicament il s'agissait. Tous les vaisseaux de ma cuisse ont éclaté. J'en ai toujours des séquelles 46 ans après. J'étais toujours révoltée. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, pourquoi j'étais prisonnière. Cette période de jeunesse, de construction, d'adolescence, qui fait peur, effectivement. C'est le moment où on envisage la jeune fille comme aux prises avec tous les dangers potentiels. On va forcément vouloir la prendre en charge parce qu'elle constitue un danger pour la société. Alors on met en avant aussi le danger pour elle-même, c'est-à-dire qu'il y a deux pans. Sous couvert de danger pour elle-même, on va la placer, mais en réalité, c'est principalement parce qu'on a peur de ces jeunes filles qu'on considère comme incontrôlables, parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases, en fait. Concernant les anciennes, celles que j'ai rencontrées, les anciennes jeunes filles placées, c'est cette idée, effectivement, d'hystérie et de folie dès qu'on fait un pas de côté et qu'on s'insurge contre l'ordre établi. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les motifs d'internement masculin et féminin. Alors, il y a, du côté des femmes, toute une série de troubles qu'on va relier automatiquement à la physiologie féminine. Il n'y a pas cette lecture du côté des hommes. Du côté des hommes, la première chose, c'est l'échec professionnel. Il y a l'image virile de la réussite qu'ils veulent donner à la société dans son ensemble. La politique, la cité, polis, c'est le monde des hommes. Les femmes, dans ce 19e siècle et jusqu'en avril 44, n'ont pas le droit de vote. Olympe de Gouges, pendant la Révolution française, celle qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, lorsqu'elle est jugée, s'entendra dire « Depuis quand est-il permis aux femmes de quitter les soins du foyer pour monter à la barre du Sénat ?» Donc on est bien dans de l'anormalité. Le syndrome politique, c'est le fait de dénier toute conscience politique aux femmes. C'est nous qui faisons cette lecture. Eux, ils disent que la femme est atteinte de mégalomanie politique, de folie politique, voire de syndrome, mais le mot est plus tardif, de syndrome politique. Tenant compte de l'opinion formulée par la science aliéniste, le moraliste se demande si la commune n'est pas un cas pathologique analogue au mal des ardents, aux épidémies choréiques, aux possessions dont l'histoire du Moyen-Âge nous a conservé le souvenir. Cette maladie aurait atteint son plus haut degré d'intensité après le 18 mars et aurait tourné à la manie résonante, à la démence furieuse, à la folie d'imitation jacobine, à la passion homicide. Pour qui a étudié l'histoire de la possession, il n'y a guère à se tromper. Presque toutes les malheureuses qui combattirent pour la commune étaient ce que l'aliénisme appelle des malades. Maxime Ducamp, Les convulsions de Paris, 1905. C'est très banal, en fait, la pathologisation des femmes dans l'histoire politique. Christine Barr, historienne. C'est présent déjà pendant la Révolution avec des réactions immédiates et puis renforcé encore par le travail des historiens antiféministes, par une mémoire qui est plutôt une légende noire avec des inventions pures et simples ou une mise en avant de quelques figures qui, par exemple, par l'usage de la violence, vont davantage choquer. Ça peut être des groupes, hein, comme celles qu'on a appelées les tricoteuses qui se repaissent du sang qui coule des guillotines, par exemple. Solitude, qui a été une des grandes figures de la résistance esclave en Guadeloupe et qui a mené en fait une résistance esclave et notamment... Elsa Dorlin, professeur de philosophie. A été une des grandes figures du marronnage pendant toute la période du système esclavagiste et des révolutions esclaves au XVIIIe siècle. Solitude va être reprise et arrêtée par le système colonial et elle le sera alors qu'elle est enceinte. Autour de Solitude, toute un stéréotype, un ensemble de discours coloniaux, plantocratiques va être déployé pour en faire en quelque sorte une figure de l'hystérie avec une conception de l'hystérie qui est davantage une hystérie noire, c'est-à-dire au contraire une forme de folie, de fureur noire, d'hypersexualisation, d'érotisation du corps politique de la résistance. Et Solitude est la contre-figure de l'héroïsme. Elle va être pendue après avoir donné naissance à son enfant. La figure de Solitude, c'est... Finalement, elle est paradigmatique aussi de toutes les figures de résistance féminine qui sont ramenées à des formes de folie hystérique. C'est-à-dire toute femme qui résiste, toute femme qui s'élève contre les systèmes patriarcal et colonial devient une folle ou est considérée comme folle et va être pathologisée pour effacer de l'histoire sa subjectivité politique et aussi son rôle historique. Solitude répond en quelque sorte aux tricoteuses de la Révolution française ou aux grandes figures politiques féminines de la Révolution française et notamment à Thérouanne de Méricourt qui a été à la tête du soulèvement des femmes du peuple et a mené une section armée des femmes du tiers état au moment de la Révolution et qui va être considérée comme folle et hystérique et enfermée. Thérouanne de Méricourt, après avoir, c'est l'expression de l'époque, été fouettée cul nu, elle est atteinte de folie. Elle est d'abord internée. Mais lorsqu'elle meurt, Esquirolle demande à son équipe de faire une autopsie du cerveau de la grande révolutionnaire pour y trouver la cause première de son engagement politique. C'est-à-dire la marche est à l'envers. Si elle s'est engagée politiquement, c'est qu'elle était folle. C'est assez intéressant de rechercher ce terme d'hystérie collective, parce qu'il est appliqué à des femmes en groupe qui agissent dans des clubs, dans des associations, dans des mouvements formalisés, organisés ou non. Par exemple, les suffragettes anglaises vont être visées par l'accusation d'hystérie collective, comme s'il y avait une contagion émotionnelle et un rassemblement de femmes qui présentent des caractéristiques pathologiques communes. Ça me fait penser aux images qu'on a des suffragettes anglaises, par exemple, qui ont été photographiées dans la rue, dans leurs actions. Et ces images, elles vont correspondre aussi dans l'imaginaire, finalement, et dans la mémoire collective avec l'imaginaire de l'hystérie. Donc, des femmes échevelées, qui ouvrent grand la bouche, qui peuvent avoir les yeux écarquillés, qui ont des marques sur leur visage. Donc là, on est très très loin de ce qui est vu comme l'idéal de beauté féminine, toujours dans la maîtrise. Là, il y a quelque chose qui se déchaîne dans ces manifestations. Les photos fixent ça et vont fixer pour longtemps une image qui fait peur des féministes. Qu'on va trouver laide parce que en action, en fait. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous calmez-vous. Et les parents. Non, calmez-vous, je ne me calmerai pas. Ne montez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Et qu'est-ce que ça donne, Valérie Pécresse, en colère? Vous éructez, vous... Non, alors... Vous cassez la vaisselle, vous... Non, alors, non, je suis plutôt... Vous lancez des jurons. Moi, j'ai théorisé qu'une femme qui hurle, ça la décrédibilise tout de suite. Les femmes n'ont pas le droit de crier? Les femmes leaders, non. Elles n'ont pas le droit. Parce qu'un homme qui crie, c'est un homme qui a de l'autorité. Une femme qui crie, c'est une femme qui est autoritaire, voire même une hystérique. L'emploi du mot hystérique, c'est une manière d'indiquer un palier au-delà duquel il est considéré inconcevable que les femmes se permettent de se prononcer ou de s'exprimer. Donc ça fixe un seuil d'alerte qui est souvent assez bas hein, sur ce qu'on autorise ou pas une femme à déclarer en public. Et alors quand je dis en public, ça peut être dans le débat public réellement politique ou tout ça, mais en public aussi ça peut être autour d'une table familiale, autour d'une table d'amis, etc. C'est-à-dire il y a un moment où ça va sortir... Tu es hystérique, tu verses dans l'hystérie, c'est de l'hystérie, ça hystérise, enfin il y a beaucoup de déclinaisons et qui je pense à chaque fois, ça veut dire stop, on ne veut plus vous entendre et on marque par ce vocable-là un frein, un mur qui dit au-delà de cette limite, en fait, vous dépassez largement votre rôle de femme. J'aimerais bien que chacune de vos interventions ne donne pas lieu à un espèce de délire d'hystérie. Vous pouvez dire exactement la même chose de façon calme, posée et responsable. Essayez de démontrer l'inverse. Non mais vous ne vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon, comment ça va bien se passer madame, vous allez voir. Le président Jacob m'a, se dirigeant vers moi, m'a qualifié d'hystérique. Cher président Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire, comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Vous n'avez pas fait lorsque vous étiez au pouvoir. Alors, Éric Diard. Je la trouve un peu à la limite de l'hystérie. Non, non, écoutez, arrêtez. Alors ça, c'est un argument trop facile à opposer à une femme en non, politique. Non, mais quand je vous dis là, je... Non, je refuse le terme. Sandrine Rousseau, elle est dangereuse. Pourquoi? C'est une folie, parce qu'elle dit n'importe quoi. Elle est hystérique. Moi, je l'ai reçue, on l'a reçue, elle était à côté de moi. Et c'était la folie. En ouvrant mon Twitter, je regardais un petit peu les commentaires, parce que je les lis pas de manière exhaustive, mais je les regarde quand même de temps en temps. Et il y en avait plusieurs avec une image, un photomontage de moi, où je suis liée comme dans les hôpitaux psychiatriques au 19e siècle, là, avec une camisole de force, et où il y a marqué hystérique. Et en fait, c'est vraiment une, le renvoi à la folie de ma parole politique est systématique. Quoi. Sandrine Rousseau, députée. Je pense que ce qui n'a pas été accepté, c'est que je suis revenue après avoir dénoncé des violences sexuelles, que j'ai dit que ça faisait partie aussi de mes motivations politiques que d'atteindre l'égalité et d'éliminer les violences, et les violences des hommes faites sur les femmes. Et ça, je pense que c'est inaudible et inadmissible pour une partie de la population. Et donc, c'est à partir de là qu'ont commencé les accusations en hystérie ou les renvois au corps. Et le pire dans ce cadre-là a été un chroniqueur sur je sais plus quelle chaîne où il a dit que j'étais une Greta Thunberg ménopausée. La première action que j'ai faite en tant qu'élue à la mairie de Paris, en tant que conseillère de Paris, il y a un des maires de la capitale hein, qui a prononcé derrière moi « il faut l'interner ». Alice Coffin, conseillère de Paris. Moi, je subis régulièrement des vagues d'attaques et ce qui les caractérise, c'est vraiment l'usage de toute qualification qui vient me sortir presque de la sphère de l'humanité ou du vivant, un registre aussi de l'animalisation. Je me souviens que c'était Raphaël Enthoven qui m'avait traité de hyène, justement, sur Twitter, et qui claquait des dents pour saisir sa proie, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et je le prends toujours assez politiquement, ces questions-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si c'était une insulte par-ci, par-là, bon. Mais là, il y a trop de profusion pour ne pas que ça fasse sens, en fait. Et qu'évidemment, il faut le lire politiquement. Finalement, sur les langages, on est encore très dans un truc précieuse ridicule. Enfin, on est encore vraiment dans une volonté, ou bien plus ancien, dans un monde très grec aussi, ou platonicien, où les femmes ne sont pas de l'ordre de l'être rationnel et douées d'un langage audible dans la sphère politique, dans la sphère publique, dans la cité. Et c'est encore ça, quand même. Les seuls moments où on me reproche ma voix sont les moments dans l'hémicycle. Et il faut savoir que dès que je parle dans l'hémicycle, il y a vraiment une montée du brouhaha, ce qui fait que je suis obligée de forcer ma voix dans l'hémicycle pour pouvoir y être entendue. Et les micros sont des micros qui sont réglés sur des voix standards, donc probablement plus d'hommes que de femmes, et donc ça me renvoie à une voix criarde. Alors, je ne fais rien en fonction des accusations d'hystérie, serait ma première réponse, mais ma seconde réponse est quand même que je dois être honnête avec moi-même, et que là, par exemple, je suis en train d'essayer de prendre contact avec une chanteuse pour qu'elle m'apprenne à poser ma voix, même quand il y a du brouhaha dans l'hémicycle, ce qui signifie quand même que, du coup, j'interagis avec ça. Pour un livre que je suis en train d'écrire, je lis un texte de Anne Carson qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle donc The Gender of Sound, le genre du son, et donc je vais juste en traduire comme ça quelques lignes. La femme est la créature qui met l'intérieur à l'extérieur. par des projections et des écoulements de toutes sortes, somatiques, vocales, émotionnelles, sexuelles, la femme expose ou étend ce qui devrait rester à l'intérieur. Chaque son que l'on émet est une sorte d'autobiographie. Il a un intérieur totalement privé et pourtant sa trajectoire est publique. Un morceau d'intériorité est projeté vers l'extériorité. La censure de telles projections est la tâche que s'assigne la culture patriarcale qui divise l'humanité en deux espèces, ceux qui peuvent se censurer eux-mêmes et ceux qui ne peuvent pas. C'est un texte sur l'hystérie et sur la manière dont, en effet, la voix féminine a été exclue de la société. Hélène Frappa, écrivaine. Elle étudie d'une manière passionnante le fait que ce danger et cette invention du concept d'hystérie, très concrètement, il se marque dans des registres de voix. La manière dont Sophocle va faire pouffer, la manière dont Homère peut parler des sirènes avec le ululement, avec une forme d'horreur face au ululement, de terreur, de dégoût, les petits cris, ou au contraire les hurlements, etc., etc. Tous les sons qui suscitent du dégoût. Et Aristote, dans sa physiologie et dans sa métaphysique, étudie même dresse une typologie dans laquelle il va expliquer que la voix de la femme, elle est faible. Hein, pourquoi ? Parce qu'une voix forte, c'est une voix dont les testicules sont descendus. Il l'oppose à la voix faible, la voix qui est plus du côté du liquide, de l'humeur, mais surtout de la faiblesse, qui est la voix de l'eunuque et la voix de la femme principalement. Et en tant qu'elle est faible, elle est insupportable à l'oreille. C'est insupportable de l'entendre. Pourquoi certains sons féminins suscitent-ils un tel dégoût chez des auteurs comme Sophocle, Plutarque, Euripide, Aristote, j'en passe. Tradition qui n'a cessé de se prolonger. D'où vient cette peur ? Et d'où vient cette censure qui, jusqu'à aujourd'hui, je rappelle qu'une première ministre, Margaret Thatcher, a pris des cours de diction pour faire descendre sa voix, je cite, c'est-à-dire dans une optique aristotélicienne, pour faire descendre la voix, faire descendre ses testicules, sans lesquels elle ne pouvait pas gouverner. Que faire ? Que faire ? Est-ce qu'il faut se transformer mimétiquement dans ce qui est une invention ? Pourquoi le logo serait lié aux testicules qui descendent ? C'est aberrant. Mais ce qui a changé, c'est que à partir de l'après mai 68, avec le MLF, les féministes ont eu l'idée de retourner ce stigmate. Dès le meeting à Vincennes de mai 1970, plusieurs féministes ont l'idée de venir avec des t-shirts sur lesquels il est marqué « Nous sommes toutes des prostituées, nous sommes toutes des hystériques, nous sommes toutes des mal baisées ». Donc après mai 68, il y a eu aussi une exaspération, une prise de conscience du fait que malgré l'égalité juridique qui progresse, le patriarcat demeure très puissant et qu'il envahit tous les aspects de la vie et qu'il dicte aussi les manières de vivre, y compris dans l'intimité. Donc ça appelle des réactions plus fortes. Il y a cette volonté de radicalité qui est vue comme une provocation dans l'opinion publique par beaucoup de gens, mais bon, c'est pas de la provocation, c'est prendre les mots de l'adversaire pour leur ôter le sens, pour limiter la honte. Monte un peu ta pancarte, Christine, monte ta pancarte. Matérialisme hystérique, t'as vu ? Le retournement du stigmate, c'est un grand classique de l'autodéfense, j'allais dire, féministe. Enfin, on est vraiment dans un élément important de se réapproprier l'insulte. C'est différent de dire « ouais, bien sûr, je suis hystérique », nanana, que de dire « nous sommes toutes des hystériques ». Là, il y a une revendication, évidemment, qui est collective et qui en fait un message très politique. Et c'est toujours, en fait, il faut, pour pouvoir correctement contourner justement un stigmate, il faut le replacer dans sa dimension qui est une dimension politique, c'est-à-dire de dire c'est pas une insulte personnelle en fait. Quand ils insultent comme ça, c'est une insulte politique, c'est une volonté de mettre au banc de la société un certain groupe de personnes, que ça soit en les traitant de gouines ou de pédés ou en les traitant d'hystériques. Et la façon de le contourner, c'est beaucoup sur un langage collectif qui se le réapproprierait. Ensuite, dans les slogans du MLF, sur les affiches, sur les banderoles, on va très souvent trouver ce terme d'hystérique revendiqué. Féministe historique, féministe hystérique, on voit aussi de nos jours. Les joues des fées se brûlent au feu de joie. Le mystère et l'hystérie des mortes sous les orties. Dans le silence des cimes, rose c'est la vie, regarde en riant la science qui lime. Nos peines sont des peignes de givre dans des cheveux ivres. Femmes, faux chevaux sous vos cheveux de feu. Corps et biens, Robert Desnos, 1922. Les fantômes de l'hystérie, avec Emma, Yannick Ripa, Christine Barr, Amélie Rabin, Pierre-Guillaume Prigent, Sandrine Rousseau, Alice Coffin et Hélène Frappa. Merci à Nicole Fernandez-Ferrer et au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, à Véronique Blanchard, Mathilde Villot, Lucie Fournier et Rokaya Diallo. Documentation sonore et musicale, Marion Guilaine, Antoine Villose, Abigail Sands et Mylène Touché. Prise de son, Yann Frécy, Élise Le, Titouan Oex. Mixage, Antoine Viossa. Lecture, Mélissa Barbeau et Estelle Meyer. La série documentaire, Perrine Carvran, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les fantômes de l'hystérie, une série de Pauline Chanu, réalisée par Annabelle Brouard.